Your feet.

Oh! Alors, c'est l'histoire d'une famille qui va prendre une semaine de vacances. Ils ont une semaine pour partir en vacances. Et le but, c'est de prendre le bateau. Alors, ils vont à Marseille en voiture. Ils sont super chargés. Ils ont vachement de bagages. Et le but, c'est de prendre le bateau à Marseille et d'aller vers Oran. Alors, ils passent déjà 2 jours sur le bateau sur la semaine de vacances et ils arrivent à Oran. Ou plutôt, ils font un détour par Oran pour aller dans un village où là, ils vont retrouver de la famille. Ils vont pouvoir parler de ce qu'ils ont pu vivre dernièrement. Et alors, on parle un peu de tout. On parle des nouveau-nés, on parle des jeunes mariés. Mais le but, c'est surtout de passer du bon temps avec des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Inch'Allah, je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Lors d'une semaine, je ne compte pas vite. J'irai finir mes jours là-bas. Rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je compte pas vite. J'irai finir mes jours là-bas. On se fait des amis, on discute de choses qui peuvent paraître sans importance, un peu futiles comme ça et tout, mais en fait c'est juste une façon de passer du temps ensemble et de se dire qu'on s'aime bien. Et finalement on passe pas une semaine, en fait on passe un mois, et au bout d'un mois on ressent le besoin de rentrer et donc on prend le bateau. On reprend le bateau en sens inverse, on arrive à Marseille, on prend la voiture et on revient à notre situation initiale. On revient au point de départ avec les mêmes personnes, mais c'est pas tout à fait pareil parce que avant on a vécu un mois autrement, donc on est au même endroit, mais sauf qu'on a des souvenirs différents. Et on revoit la chose avec philosophie, on se dit que c'était super chouette. On y pense et on a même presque envie de finir ces jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Well, won't you tell everybody what the fuck you gotta say? 1, 2, 3, 4. Nigga is selling narcotics. Un geste insultant aux forces de l'ordre. Les agents ne peuvent pas laisser passer. On a un direct vers la police, ça n'est pas on va régler ça, terminé. Minuit, les rues sombres sont laissées aux bandits. C'est aussi castor-ci que les keufs cherchent les ennuis. 9 le nuit, débarque dans le hall sans faire de bruit. 3 inspecteurs, on est 10. En plus des nazis, ils nous ont pas fouillés. C'est bizarre, ça sent le whisky. Commence à nous parler, son haleine. Plus le whisky, se laisse emporter. Se plaint que son fils, une de Toshi. L'un d'entre eux, l'a informé. Qu'un dealer vendait ici. Ça m'étonne pas, c'est bien les réactions d'un fils de képi. En plus, on s'en bat les couilles, y'a pas de preuve, pas poursuivi. Je rentre à la baraque, à 4 du mal, miné ma nuit. Rêvé du dernier que j'ai récemment acquis. 2-3 heures après, un bruit de fond dans la sonnerie. Oh merde, un groupe de chef, et je suis même pas sorti de mon lit. Mulotte au poignet, la situation s'est repartie. Après perquisition, séjour au commissariat de Vitry. On a interpellé les suspects, c'est bon, on peut les emmener dans les locaux. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdons entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse.